Gentlemen, welcome to Fight Cine Club. Coucou les petits loups et bienvenue dans Fight Cine Club numéro 3. Non mais je sais que ça vous a choqué la dernière fois. Je suis outré quoi. Donc j'aime bien mon petit coucou les petits loups. Alors aujourd'hui... Salut les petits clous. Hein ? Salut les petits clous. Salut les petits clous. Mais j'ai pas dit ça du tout. Mais ils s'en foutent du top 50, je l'avais jamais compris. Ça va être le sommaire le plus long de la Terre. Hein. Donc Fight Cine Club numéro 3, c'est parti. Mais oui, ça tourne mes enfants, vous croyez quoi ? Non mais on est en direct. Alors, dans ce sommaire, aujourd'hui, il va y avoir du fight encore. Mais bon, ça c'est un petit peu le principe de l'émission. En premier, eh bien, un film qui tâche. Il y aura Logan, gros blockbuster sur lequel nous ne sommes pas du tout d'accord. En numéro 2, il y aura Lost City. Of Z, on part dans la jungle avec Percy Fawcett, et là nous ne sommes toujours pas d'accord. Il y aura des brèves, et le retour des brèves, avec trois films, notamment Aki Kaurismäki, L'autre côté de l'espoir, un petit film israélien, Wedding Dolls, et Grave, ah oui j'ai oublié Grave, il y aura Grave de Julia Ducournau, il y aura un bon gros fight aussi, un petit documentaire de Derrière les fagots, Fruit Run de Pierre Morat, et enfin le crash test proposé par Arnaud il y a une quinzaine de jours, Rashomon d'Akira Kurosawa. Et nous avons encore une équipe au complet aujourd'hui pour parler de tout ça, un joli petit menu. Salut Mélanie. Salut Mathieu. Et salut notre speakerine, Cécilia. Salut à tous. Qui va encore nous faire les pitch dans ta poche. Arnaud, comment ça va ? Les brioches. Ben ça va, ça va. T'as parlé de la brève Silence de Non, j'ai oublié Silence de voilà. Scorsese. Et brève de comptoir aussi avec le ballon de rouge. Voilà. Et enfin, nous avons notre chroniqueur bruiteur national. J'ai nommé Jérôme. Alors, je tiens à m'excuser. Déjà, bonjour, bonsoir. Je tiens à m'excuser parce que j'ai pas été très efficace cette semaine. J'ai pas vu tous les films, mais bon, voilà, je... Mais fort heureusement, je suis là. Il ne les a pas tous vus. Il est là et il a encore rien aimé. Voilà, Fight Ciné Club numéro 2, c'est parti. Eh oh, il faut payer, tu sais. Bon, donne. Non, pas bien. On se retrouve avec une fan d'X-Men. Y a pas un quart de vérité là-dedans. Et puis pas comme ça. Dans la vraie vie, les gens meurent. Logan. Je veux pas en parler. Logan. Ça suffit. Sois prudent. C'est la fille que je veux. Quelle fille ? Va chercher. Logan, de James Mangold avec Hugh Jackman et Patrick Stewart. C'est dans un futur proche que nous retrouvons un Logan épuisé de fatigue. Il s'occupe d'un professeur, Xavier, souffrant et délirant, dans un lieu gardé secret à la frontière mexicaine. Leur pouvoir semble s'être estompé et le monde à la dérive. Il n'aurait plus de nouveaux mutants depuis une trentaine d'années. Alors qu'il tente désespérément de survivre loin des hommes, Logan fait la rencontre d'une femme et d'une enfant traquée. L'enfant serait une jeune mutante et son pouvoir ressemble fort à celui qui était le sien. Gentlemen, welcome to Fight Cine Club. Et ce Fight Cine Club numéro 2, une fois n'est pas coutume, va commencer par le film qui tâche, puisque comme vous le savez, on défend plutôt des films art et essai dans cette émission, mais de temps en temps, on s'autorise quelques blockbusters. Et aujourd'hui, on a choisi de parler de Logan, de James Mangold. Merci à notre speakerine, d'ailleurs, de nous avoir rappelé l'histoire. Et donc, il y a deux camps, je crois. Il y a un camp qui a aimé et un camp, moi tout seul, qui n'a pas aimé. Alors, un groupe de deux et un groupe de un. Voilà, deux contre un. Vous êtes à deux contre un, vous avez intérêt de gagner, les enfants. Hein. Oui. Alors, Arnaud. Finger in the nose. Ok, très bien, je pars. Quand on est allé voir Logan, on s'est dit, putain, c'est encore la suite des films de Wolverine. Alors les deux premiers étaient vraiment pas terribles du tout. Voire totalement à chier. Oh, vous êtes dur. Si, alors le premier c'est un navet, mais c'est un nanar, c'est pas possible quoi. Et toi, je m'en rappelle plus donc. Mais si, c'est là où il y a le premier Deadpool là qui est une horreur absolue quoi. C'est, ah oui, j'avais oublié. C'est une aberration de. Oh, mais c'est pas ça qu'il faut retenir. Enfin bon, bref. Donc on part là-dessus. Le film il s'appelle Logan, donc tu te dis ça sent la Dacia Sandero's. Et finalement, j'ai été plutôt bien surpris. Parce que c'est un film donc, sur l'histoire de Logan, qu'on retrouve des années après, qui a vieilli, qui a vécu. Il est très très bien joué par... Hugh Jackman. Jackman. Je veux dire, je commence à me perdre ce nom-là. Chercher Hugh Jackman. C'est mal barré. Donc voilà, c'est très très bien joué par lui. Il le porte très très bien ce rôle-là. Et en fait, bah, c'est hyper violent. C'est trash. Ça envoie, ça y va quoi. Et là, ça fait plaisir un petit peu de voir enfin un film qui rentre dedans quoi. Donc c'est ce que j'ai vraiment apprécié là-dedans. Alors tout ce qui est par contre images, mise en scène et tout, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a quelques plans un petit peu au début mais j'ai pas trouvé grand chose de formidable. Par contre, j'ai trouvé qu'au niveau de l'histoire de professeur Xavier là, j'ai trouvé ça assez touchant et assez fort et assez dur. Et puis l'histoire de Logan quoi, vraiment il déboîte quoi. Là pour le coup là, j'ai trouvé ça ça allait au fond des choses et ça faisait plaisir pour le coup d'avoir enfin un film de super-héros qui envoyait du pâté. Alors, petite précision, le film a été classé R aux États-Unis, donc c'est l'équivalent de... C'est moins de 17 ans, je crois, ouais. Le classement R, donc c'est l'équivalent de notre moins 16 chez nous, c'est-à-dire que ça diminue drastiquement le potentiel commercial du film. Hein, là-bas. Mais alors, en France, il est interdit au moins de 12 ans, je suis scandalisée que ce soit pas justement au moins de 16, parce que je le trouve hyper violent. Il est très violent, oui. Dans les... Ah si. Mais les gamins, ils voyaient des choses 4 fois plus violentes que ça sur internet, donc après bah, c'est pas une raison, non plus c'est pas une raison pour l'interdire au moins de 16 ans. Enfin écoute, Tout cas il faut, bon voilà, il a été classé R et d'ailleurs pour pouvoir aller dans le trash et le gore, Hugh Jackman a diminué son cachet de par 2 ou par 3 absorber la diminution du potentiel commercial du film. Voilà, c'était la minute info pratique. Bravo Hugh. Donc Mélanie, du Hugh coup forever. Toi tu as aimé aussi a priori? Oui, je serais curieuse d'attendre tes arguments contre en fait avant de m'exprimer puisque on a entendu déjà l'avis d'Arnaud, qui est dans mon camp, si on peut dire. Oui, moi j'y suis allé plein d'espoir, parce qu'effectivement, Wolverine 1 et 2, voilà. Hein, le premier, c'est une sombre bouse, effectivement. Et le deuxième, je ne m'en rappelle plus. Et puis j'ai beau chercher, oui, effectivement. C'est pas l'histoire avec le Japon. Tu me dis qu'il y a un genre de Deadpool. Ouais. Bon, ça, c'est le premier, ça. Je ne me rappelle même pas. Bon, bref. Bon. Peu importe. Donc, ils ne m'ont vraiment pas marqué. Dans la rubrique bande-annonce versus film, la bande-annonce envoyait du pâté, mais alors un truc de malade avec la voix de comment il s'appelle, Johnny Cash par-dessus, le truc hyper stylisé avec des super plans, la violence à l'état brut, enfin bon, j'en attendais vraiment, vraiment beaucoup. Il y a des choses que j'ai appréciées, effectivement, le professeur Xavier complètement délirant, en mode le vieux grabataire, pour même plus la maison de retraite à ce moment-là. Ah non, c'est un végétal. Là. C'est l'asile. Là, ouais. C'est carrément l'asile, quoi. Il a complètement, complètement fondu un plomb. Et ce qui donne des séquences extrêmement drôles, d'ailleurs, entre Logan et le professeur Xavier. Donc ça, toutes les petites touches d'humour, j'ai trouvé ça absolument formidable, puisque t'es road trip, parce que tout ça se passe un peu dans la bagnole, finalement, pendant une espèce de fuite ininterrompue pendant... 2 heures, je sais plus, tellement il est long. Moi, il a fini. Il y a des trucs que j'ai trouvé cool, et puis il a fini par m'ennuyer à la fin. Donc il y a ça qui est bien. Et j'ai trouvé ça beaucoup trop violent, en fait. Mais violent gratuit, c'est-à-dire. Au début, c'est rigolo, en fait, ça fait rire. La première scène dans la station de service, tu trouves ça drôle. Et puis, en fait, à la longue, ça m'a fatigué, en fait. Ça m'a fatigué les yeux, ça m'a fatigué l'esprit. J'en ai pas la nausée, mais en fait, ça m'a juste. J'en ai eu marre, quoi, de voir des types. Voilà. Alors le côté le personnage qui en chie, ouais, ok, super. Mais en fait, je crois qu'on est tellement allé au bout du bout du bout du bout du truc, on a tellement pressé au maximum le film du super-héros, et ben que c'est même plus des super-héros. Voilà, ça en devient des humains lambda avec vaguement un petit peu plus fort que les humains. C'est ça qui est bien. Et... Ah bah non, bah oui, si. Bah non, pas non en fait. Ouais, si, ça arrive non. Au bout d'un film. Ça veut dire qu'on est, oui, c'est vraiment le bout du bout, c'est-à-dire qu'après ça, c'est fini, c'est fini. Oui, ils arrivent à un bout d'un cycle, mais tu sens que derrière, ils vont repartir sur autre chose. Mais alors l'histoire de Xavier aussi, alors faut pas, on va pas spoiler, on va pas raconter les trucs, mais l'histoire de Xavier, quand tu comprends ce qu'il a fait, tu comprends pourquoi il est devenu végétalisé, et comment, pourquoi végétalisé. Est-ce que... Végétalisé, mais c'est quoi cette histoire de végétaux? Mais parce que c'est un légume, et... Et tu comprends pourquoi est-ce que Logan, comme ça, il le maintient un petit peu, il le contrôle, parce que voilà. Il y a un vrai rapport, mais c'est quand même une analogie c'est... de la vie, quand même, cette histoire. Il y a un vrai rapport père-fils, le père avec un espèce de... Voilà, le père grabataire, moitié Alzheimer, ouais, ça, avec des éclairs de lucidité. C'est la partie sympa du film, c'est très... toute petite partie, quoi. Une espèce d'histoire un peu transgénérationnelle, là. Enfin, moi, j'ai trouvé ça, ce film, franchement, je suis sortie de là, je me suis pris une claque. Mais dans le bon sens, vraiment, pour le coup, c'est vraiment un X-Men qui sort du lot pour moi et qui, pour le coup, voilà, on n'est pas justement que dans la vie des super-héros avec des trucs trop surnaturels et inaccessibles, et de toute façon, ça peut pas exister dans la vraie vie. C'est tellement, moi j'ai trouvé ça hyper réaliste, vraiment hyper réaliste. Mmh. Et en fait, tu peux, je trouve que dans ce film-là, vraiment, tu pourrais t'identifier énormément et tu crois vraiment que ça pourrait être dans la vraie vie. Enfin, je sais pas comment dire. Ils ont un petit peu des pouvoirs quand même. Hein. Oui, mais bien justement, sûr, mais... Il y a des gros méchants, il y a des pouvoirs, il y a des machins, parce que c'est le monde des X-Men. Mais pour le coup, les X-Men, quand tu vois le tout premier qui avait été fait... ils sont intouchables, les mecs. Voilà, que là, justement, putain, là, ils ont y a des fragilités. Moi, j'adore quoi. Le héros qui est, tu sais, genre Bruce Willis, quoi, qui finit le film, mais qui en a plein la gueule. Quoi. Je suis un homme. Mais voilà. J'ai des fêlures. Voilà. Alors, bon, je suis pas très objectif sur Hugh Jackman, parce que je pense que, voilà. Il est impressionnant, quoi. Il est baraque. Cet acteur est tellement beau. Les épaules qu'il a, quand même, bravo. Quoi. Ah ouais, non, il est barré. Non, mais voilà, moi, il réveille des trucs un peu animal chez moi, cet acteur-là. Hugh Jackman, ça fume. Non, mais voilà, Hugh Jackman, pour moi, est vraiment un de mes acteurs préférés, non pas uniquement par sa plastique. Je trouve qu'il joue, je trouve qu'il incarne vraiment très très bien, surtout un rôle comme celui-là, du mec, le mec torturé, gros nounours au cœur tendre, là, enfin, le truc. Il y a juste, pardon, la fin, genre une des dernières répliques de la fin qui pour moi gâche tout, mais la fin en elle-même non, mais la réplique oui, tu vois, que ça finisse comme ça finit, parce que on essaye de pas spoiler, je me rappelle même pas d'une réplique en particulier, on arrive à la fin, ce que la gamine lui dit à la fin, je trouve ça ridicule. Oui, c'est ouais, c'est couillon. Voilà, ça c'est vraiment la fin qui est tombée dans le nier. Voilà, on a toujours nos petites rubriques bande-annonce versus film. Pour moi, le film est la hauteur de la bande-annonce, contrairement à ce que tu penses. Ouais. Et par contre, c'est un peu la fin qui gâche tout. Voilà. Et moi, j'avais tellement marre des films de super-héros, Avengers édulcoré, vraiment. Voilà, on les mecs, ils sont intouchables. Il y a pas de sang. Et là, au moins, ça envoie. Moi aussi, ça me saoule, les Avengers, les Marvel, et j'en peux plus et j'en ai ras-le-bol. Effectivement, si je dois faire une hiérarchie, je le mets au-dessus de tous les Marvel ou les Avengers Suicide qui sont Squad, sortis depuis... non, mais c'est une blague, c'est ça. DC Comics, Suicide Squad, voilà. Il y a des amis de 2 heures de perdu qui ont fait un très bon, très bon podcast là-dessus, donc on n'a même pas besoin d'aller les écouter. Oui, je le mettrais au-dessus du panier par rapport à tout ce qui s'est fait depuis la trilogie de Spider-Man de Sam Raimi. Et puis, moi, désolé, mais les premiers X-Men, je préférais. Voilà. Au moins les... Mais c'est parce que tu les as vus quand t'étais jeune. Au moins les deux premiers. Ouais. Bah oui, mais c'était l'esprit de la BD. Enfin, c'était super-héros, c'était machin. Et puis voilà. Et puis maintenant, on en a vu 12 ou 15 ou 36 000. Donc effectivement, on en aura le bol. Et donc, on est obligé d'aller faire de l'anti-super-héros pour que ça nous intéresse un minimum. Donc moi, non, désolé. Nous, oui. Alors après, voilà, allez le voir quand même. Hein. Tu passes pas un mauvais moment, mis à part la fin, tu passes pas un mauvais moment et ça te divertit pendant 2 heures, un peu plus, même un peu beaucoup plus. Je suis contente que la censure américaine soit pas trop passée par là, justement, et que voilà, il a quand même, je sais plus qui, j'ai vu In the Panda, il a quand même, des couteaux de cuisine au bout des mains, le gars, et c'est normal qu'on voit un peu du sang giclé à un moment donné. Donc bon, pour les pointes d'humour, effectivement, cette espèce de filiation père-fils, on va dire, entre Xavier et Logan. Logan, c'est très drôle et très sympa, mais c'est une toute petite partie du film. Et la partie super-héros qui ne l'est plus, bon voilà, moi perso, non. Voilà. Bah nous, c'est ce qu'on a aimé. Mais allez le voir quand même. Puis ouais, carrément, parce qu'il change les autres, moi. Ok, et eh ben voilà. C'est tout pour Logan. Bah, ouais. C'est déjà pas mal. C'est tout pour le film qui tâche. Et on passe à la séquence suivante. Gentlemen, welcome to Fight Cine Club. The Lost City of Z, de James Gray avec Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland. L'histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs du XXe siècle. Percy Fawcett est un colonel britannique, reconnu et un mari aimant. En 1906, alors qu'il s'apprête à devenir père, la Société géographique royale d'Angleterre lui propose de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, l'homme se prend de passion pour l'exploration et découvre des traces de ce qu'il pense être une cité perdue très ancienne. De retour en Angleterre, Fawcett n'a pas de cesse de penser à cette mystérieuse civilisation, tiraillée entre son amour pour sa famille et sa soif d'exploration et de gloire. Un extrait. À ton retour, il ne saura plus qui tu es. Je sais que c'est un sacrifice pour nous tous. L'environnement est d'une hostilité violente. Ce voyage pourrait bien vous coûter la vie, mais vous permettrait de réhabiliter le nom de votre famille. Il n'y a personne qui revient de là-bas. La peur n'a jamais gouverné notre vie. Qu'est-ce que vous espérez accomplir ? Si nous venons à découvrir une civilisation cachée, là où nous considérions que c'était impossible, cela pourrait ouvrir un chapitre inédit de l'histoire de l'humanité. Je l'ai nommée Z. Elle existe. Et notre devoir est de la trouver. Et donc on continue, deuxième séquence, on retrouve les films... Arrête, c'est pas tout à fait en fait le City of Z de James Gray qui est un petit peu à mi-chemin entre le gros blockbuster et le film d'auteur. James Gray, on le connaît notamment pour La Nuit nous appartient, absolument formidable polar avec Joaquin Phoenix qu'on peut vous recommander plus. Absolument. Et donc Lost City of Z, là on part dans la jungle, dans l'exploration, dans pas que ça d'ailleurs. Et il va y avoir du fight a priori puisque nous ne sommes pas d'accord. Yes. Et je donc, ne crois pas. Ça devient une habitude, comme pour Logan, ça va être du 2 contre 1. Et oui, je n'ai toujours pas vu ce film. Désolé. Bravo Jérôme. J'ai pas fait mes devoirs. Tu pourrais faire un effort quand même. Et donc, qui commence ? Et si on commençait par ceux qu'on n'a pas aimé pour une fois ? Du coup, c'est encore nous qui commençons. J'y vais ? Je vais commencer le premier. Voilà, je vais vous lire ce que je me suis noté dans mon petit calepin. Ça va être bref et ça va suffire. Belles images, mais ultra chiant. Grosses incohérences. Je me suis fait chier, 3 points d'exclamation. Entre parenthèses, mais Charlie Hunnam est quand même beau gosse et il y a des beaux costumes. Voilà. D'accord, ok. Merci pour cet avis scatophile. Alors, tu peux préciser les incohérences Alors, où t'as vu des incohérences? Il y a eu une méga incohérence, mais on en a ri. Parce que du coup, énorme. J'étais avec Arnaud quand on a été voir le film. Quand il fait la deuxième expédition et qu'il tombe avec le boulet, là, il part avec le boulet, qui doit emmener en expédition. Qui soi-disant avait été faire l'Alaska, et on se demande un peu comment il avait fait l'Alaska, parce que là, dans la jungle, il est carrément pas dans son univers, et c'est un gros boulet, et il décide de le renvoyer parce qu'il est malade. Oui. Ils ont quand même dévalé des torrents, perdu la moitié de leur vivre, etc. Et là, pouf, ils ont un cheval. Tiens, on te donne notre dernier cheval. Tu pars avec le cheval. Et j'ai regardé Arnaud, mais il sort d'où le cheval? Il vient de traverser l'Amazonie sur le fleuve. Sur le fleuve. Et le cheval, il vient d'où? Pif paf. Il vient des séquences d'avant où tu les vois sur les radeaux. Alors effectivement. Avec un cheval? Ouais, mais ils en ont même plusieurs. Le cheval est sur le radeau? Ils en ont plusieurs. Non, c'est pas tout à fait des chevaux, c'est des ânes. Oui, effectivement. Ça sent la mauvaise foi. Non, c'est un âne, oui, un âne, certes, peu importe, mais c'est un âne amphibien, je sais pas. Le truc, comment il s'appelle, Ange Gardien est arrivé là, bam, bim. Allez, elle fait apparaître un âne, voilà. Bon, voilà, d'accord. Non, mais ça c'est. Bon, si c'est que ça. C'est ça l'incohérence. Ils en parlent, en plus dans la préparation de l'expédition, donc ils partent, oui, ils avec partent 3 avec... ou 4 ânes. Oui, mais pour nous, à ce moment-là du film, les ânes sont plus là, quoi. Et puis, ouais. Ils les ont lâchés en route. Et puis après, il y a un plan où on les voit sur les radeaux, et puis après, de toute façon, il y a des ellipses, donc tu vois effectivement pas tout, et notamment cette partie-là où il y a une grosse ellipse. Donc, mais bon, oui. Okay, nous, oui. Ça nous a fait, mais ouais. What the fuck, il vient d'où l'âne là, pouf. Paf. D'accord, bon. Genre, bon, comment on pourrait renvoyer le méchant? Donc, allez, comment, un âne. Comment une incohérence devient des incohérences avec beaucoup de mauvaises choses. Après, bah, ah, j'ai pas. Mais tu sais bien que c'est le sport national ici, la mauvaise foi. Bah après, je sais plus. On avait noté une autre, mais je m'en rappelle plus. Ah enfin, oh, bon, non, bref. J'en sais rien. Non, mais c'est la plus grosse incohérence. Bon, vous nous, avez pas aimé, quoi. Non. Ah non. Putain, mais je me suis ennuyée, mais ennuyée. Ouais. Mais tellement ennuyée. Pourtant, je suis consciente que les images sont jolies, que bon, c'est pas mal joué. Mais c'était long. Oh putain. Et franchement, c'est très très rare que j'envisage de quitter la salle de cinéma avant la fin d'un film. Ça m'est arrivé qu'une seule fois dans toute l'histoire de ma vie. 2h21, c'est-à-dire pareil que Logan, où je et me ouais. suis fait chier. Ben non, ben là, moi, tu vois, franchement, je préfère voir 3 fois Logan d'affilée que de revoir Lost City of Z. Parce que vraiment, alors peut-être, je sais pas. Il y a une heure de trop, quoi. Est-ce que quelqu'un peut compter les mauvaises fois? Les mauvaises fois. Alors c'est bien, c'est quand nous on n'a pas aimé et que toi t'as aimé, c'est nous qui sommes de mauvaises fois. C'est ça intéressant. Ça, c'est la plus grosse des mauvaises fois, quand même. Voilà. Ah, j'ai oui, pas, tu vois, j'ai même pas lancé le chronomètre, on aura le canard. Bon, tant pis, je le mets maintenant. Alors, enfin, voilà. Et Arnaud, du coup, quelque chose à ajouter? Ah, oh bah oui, avant oui, que oui, je oui, déclare ça. Mon amour pour ce film. Alors, moi, ça a été pareil. Il y a vraiment une question d'ennui là, sur le rythme du film, en fait. C'est mou. Ouais. En fait, il y a les séquences en forêt qui sont sympas. Effectivement, on peut palper une certaine pression. Il y a une espèce de malaise et mais tout. Mais non, on sent mais, pas la pression. Mais en fait, c'est de suite anesthésié par des flashbacks ou quand il repart dans sa famille avec sa femme, c'est larmoyant, c'est barbant, blablabla. Tu t'en vas, je vais être triste et tout. C'est insupportable. C'est... Non, je suis pas d'accord pourquoi t'aimes pas, mais on n'aime pas pour les mêmes raisons. Ouais, non, mais voilà. C'est un film, pardon, mais c'est censé être un film sur un aventurier qui part au fin fond de la jungle. Le mec, il risque sa vie à peu près 40 millions de fois et à aucun moment tu flippes avec lui. À aucun moment tu pourrais être dans la souffrance avec lui quand ils sont blessés. Ou t'es là, ça doit être tellement carrément. Être la chienlite d'aller à la conquête de. Quand ils se font attaquer, mais jamais j'ai peur avec mais eux. Non. Quoi. T'es là, ils se mettent de suite, quoi. Ils ont l'air tellement. Alors là, pour le coup, il a l'air d'un super héros, le mec. Hein. Aucune empathie pour le personnage, aucune émotion. Tu t'ennuies, et tu puis, comprends. Voilà. Et puis cette espèce de filtre jaune là qui voulait faire un petit peu à l'Apocalypse Now, mais ça fait vraiment au rabais, quoi. Ça fait. Moi, j'ai pas du tout aimé. Moi, tu vois, c'est la seule chose que j'ai trouvé joli, c'est que c'était l'image était sympa. Mais et puis qu'est-ce que c'est? Ah ouais, alors la première scène. Alors j'étais fou déjà la première scène pour montrer que le héros en fait c'est un intrépide, que c'est un aventurier et tout. On le montre en train de faire une espèce de chasse avec des chevaux et en fait il prend un espèce de chemin différent des autres pour aller chasser je sais plus quel animal quoi. Et il saute juste un petit muret de rien du tout alors que les autres font le tour. Lui il fait juste il va sauter un muret avec son cheval quoi. T'es là, mais et là c'est un ouf, c'est un mec pour aller dans la jungle. C'est ça, quoi. T'es là, mais c'est quoi cette blague quoi. Mais c'est ça, tu veux nous expliquer que c'est un intrépide en montrant ça? Mais c'est ça veut dire quoi? C'est ridicule. Et après, j'ai trouvé ça vraiment barbant, long. Les histoires avec sa femme, là, c'était interminable. J'en pouvais plus. Alors que dès qu'on était en forêt, dès que ça commençait à être un peu en pression. Dans la jungle, quand Arnaud dit en forêt, on précise que ça se passe dans la jungle. Ouais, dans la jungle. Ouais, bah, quand même. Oui, bah. Oui, c'est pas le bois de Boulogne. C'est sûr. Mais, Quoique, on se serait peut-être moins fait chier si c'était au bois de Boulogne. C'est sûr. Donc, voilà. Donc, ouais. D'accord. Vraiment, il y a un gros problème de rythme. Bon, en tout on, va cas. Laisser, ouais, on va laisser Mathieu okay. nous dire pourquoi il okay. a aimé. Parce que sinon, ah non, bah écoutez, oui. Bah non, bah moi j'ai passé un moment super, extraordinaire. Voilà, je trouve ce film absolument magnifique. Bon, après, pour. Est-ce que tu t'étais embrouillé avec ton banquier pas avant si... Non, pas du tout. Alors là, non, il n'y a pas la jurisprudence La La Land. Ouais. Je n'avais pas passé une journée de merde avant. J'allais voir un film comme ça. Voilà. Et je suis allé voir ce film et c'était exactement ce que j'en attendais. Alors après. Bah déjà, c'est l'histoire vraie de Percy Fawcett. Donc, c'est l'histoire. l'histoire de vraie de cet explorateur au début du XXe siècle. Donc effectivement, et puis bon, alors là je vais encore raconter ma vie, mais pour avoir fait un programme de reforestation en Amazonie pendant une dizaine de jours et avoir vécu dans la jungle, et pardon, sortez les violons, là je me la raconte, mais effectivement, si tu veux, j'y ai retrouvé. Pour avoir moi-même été à la conquête de la cité Z. Bah, je n'irai pas jusque-là, parce que moi, bon, je suis resté gentiment en bord de fleuve, et puis bon, il n'y a plus d'Indiens cannibales hein, maintenant. Hein. Mais par contre, il y a des ânes. On trouve des ânes en forêt, exactement. Et on peut en trouver à n'importe quel moment pour rentrer dans la civilisation. Maintenant, il y a des vétérinaires cannibales. Très joli teasing. Teasing pour la suite. Pour la suite, donc. Vétérinaires cannibales, c'est bien joué. C'est bien. Belle remarque. Donc, non, mais voilà, en fait, si vous voulez, moi, je n'y allais pas en mode je vais voir Indiana Jones. Parce que je savais que, connaissant la filmographie de James Gray et son souci du détail et là son approche, comment dire, réaliste du film d'explorateur, je savais qu'on allait être plus proche, entre guillemets, du documentaire, en tout cas pour la partie jungle, toute proportion gardée, puisque après, bon, il y a un travail de dramaturgie avec les allers-retours sur l'Angleterre. Mais disons que je ne m'attendais pas à du spectaculaire, à deux, il se passe plein de trucs. Et d'ailleurs, toute la première partie dans la jungle est absolue. Alors, quand vous dites qu'il en chie pas, mais putain. Mais il en mecs, chie, mais nous, on ne chie pas avec lui. Ils perdent 20 kilos entre le début de la séquence dans la jungle et la séquence après. Ils sont à la limite de s'entrebouffer entre eux. Enfin bon. Alors là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est qu'en fait. Ces séquences-là, quand ils marchent dans la jungle, c'est tellement ellipsé, en fait, t'as l'impression, ils font 20 bornes comme ça, en fait, d'une séquence à l'autre, ils ont fait 20 bornes, ils sont toujours frais, il n'y a pas de problème, quoi. Alors, et ça, je trouve ça... De toute façon, on ne va pas être d'accord. Donc, d'accord. moi, justement, une des choses que j'ai préférées dans ce film, c'est précisément les ellipses, parce que ça fait des années, alors qu'il y a eu une époque, dans les années 90 notamment, où c'était beaucoup plus fréquent d'avoir des films qui s'attaquaient à des sujets monumentaux, avec plusieurs pays, un espace-temps très large, puisque là, ça se passe sur 30 ou 40 ans, et qui arrivait à te dégager une cohérence narrative, à s'autoriser des ellipses, et pas avoir un truc qui part vraiment de la minute A à la minute B, et le film dure 1h20, et il s'est écoulé 1h20 dans la vie des gens, pour caricaturer un peu, tu vois. Ouais, mais c'est pas ça que je veux dire. Et ça, les gens, ils le font plus au cinéma. Les réalisateurs ne se hasardent plus à cet exercice de la narration sur 30 ans, qui est un exercice hyper difficile, et moi je trouve vraiment qui s'en sort avec brio, et qu'il y a un sens de la dramaturgie que j'ai trouvé, la construction dramatique est super, entre effectivement la partie dans la jungle où il s'arrache de son univers, et puis les allers-retours avec chez lui où il c'est quand même un père absent, quoi. Puis le sens du sacrifice de sa femme, etc. Enfin bon, voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment. Ouais, mais moi c'est vraiment la cohérence de rythme entre chez lui, effectivement, qui alors là les scènes elles sont très très longues et elles en rajoutent des tonnes, et quand il est dans la jungle où là c'est très ellipsé, et finalement t'es plus avec lui à ce moment là quoi, et donc là je trouve que ça crée un rythme inverse à ce que moi, j'aurais voulu. Je suis pas du tout rentré dans le film, genre voilà, enfin donc voilà. On nous fait signe d'arrêter parce que je pense qu'on commence à être trop. Comme il n'y a plus d'arguments. Voilà, on n'a plus d'arguments, on n'a pas aimé. Et qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Et ben on va s'arrêter sur Lost City of Z. Est-ce que vous diriez qu'il faut le voir quand même ou non. Pas du non. tout. Même pas. Oh là là, mais c'est vraiment des escrocs. Non mais alors ok, j'irai le voir. Mais quel voleur alors. C'est pas vrai. Et c'est tout pour Lost City of Z. Tu vas finir par lui faire de la peine. Non, laisse tomber ma chérie, laisse tomber. C'est pas grave. Enfin, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. Gentlemen, welcome to Fight Cine Club. Grave, de Juliette Ducournau avec Garance Marillier. Justine intègre une école vétérinaire où sa grande sœur est déjà élève, comme son père et sa mère avant elle. Lors d'un bizutage, on la force à manger un rein de lapin. Passée la réaction allergique, elle se découvre un goût pour la viande crue. Parallèlement à la découverte de son corps, de ses désirs, de sa sexualité. Justine se désinhibe peu à peu et commence à vouloir assouvir son désir de chair humaine. L'appétit vient en mangeant. Un extrait. « Et comme toujours, merci à notre speakerine pour cette présentation du film Grave de Julia Ducournau, où a priori il va y avoir du gros fight. Il y a des gens qui sont pas d'accord dans ce studio. Grave est un premier film de Julia Ducournau. Et Arnaud, tu as plutôt bien aimé. J'ai beaucoup aimé, effectivement, ce côté cannibale holocauste chez les végans. J'ai trouvé vraiment ça drôle et très original. Donc c'est l'histoire d'une fille, donc on l'a dit, qui est végétarienne et qui se met à goûter de la viande au point d'en devenir cannibale. L'atmosphère est vraiment très glauque. Il y a une musique qui est oppressante. Les images sont très belles. Les scènes sont sordides à souhait, sans tomber dans le nanar. Oui, je sozote un peu, je le sens. Il y a certains plans qui me rappellent le Shining, en fait, quand notamment t'as... Oui, quand ils sont dans la morgue, dans le couloir, je te jure que c'est les mêmes plans que Shining. Donc, en fait, Jérôme, ça tombe se prend la tête comme ça dans les deux mains. Et oui, bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai même noté de plus? Tu m'as complètement perturbé. Il y a une critique des bizutages à l'école, donc c'est quand même pas rien. Bah oui, bien sûr que oui. Elle en fait l'apologie. Hein? Mais non, elle en fait pas l'apologie du tout, quoi. Et puis, moi j'ai trouvé qu'il y avait des réflexions quand même sur la nature humaine, sur l'homme qui est un loup pour l'homme. Oui, la théorie de l'homme, c'est du Léviathan qui est que la société pervertit l'homme, tout ça, puisqu'elle est, elle est adolescente, donc elle est complètement innocente et elle est pervertie à l'âge où elle devient adulte. Donc voilà, il y a énormément de choses là-dedans. J'ai trouvé que vraiment l'atmosphère était très forte, qu'il y avait vraiment des plans, quand ils sont en boîte de nuit, là, il y avait des lumières qui était vraiment original. Donc voilà, j'ai trouvé ce film très fort et pour moi, j'ai pas honte de le dire, c'est le meilleur film d'horreur français de ces 10 dernières années. Trouvez-moi mieux. Oh là là. Allez, alors bim, ça va. Bim. Allez, Jérôme. Ça va être difficile de trouver mieux étant donné que c'est un sujet qui, c'est un genre qui se fait pas du tout dans le cinéma français. Il y a très très peu de films d'horreur français. Surtout du body horror, hein. Là on est vraiment dans un sous-genre du film d'horreur très particulier. Alors je t'invite à écouter l'émission précédente qui parle du film dans la forêt quand même. Oui, bon. Je dis pas qu'il y en a pas, mais oui. Bon, voilà, très peu. Je vais pas dire que j'ai pas aimé, je vais dire que j'ai détesté. Non, franchement, pour moi c'est affligeant. Honnêtement, je vais vraiment être clair, donner de l'argent pour un film comme ça, ça me fait halluciner, quoi. Il y a rien dans ce film. À la rigueur, on peut sauver le jeu de l'actrice, de la jeune fille, et même deux acteurs en général sont plutôt bons. Garance Marillier, qui est vraiment pour, enfin qui apparemment a 19 ans, et elle est douée. Mais en tout cas, la réalisatrice, pour moi, n'est pas du tout douée. C'est vraiment, le film est. Et chiant à regarder, il y a des incohérences, elle passe, elle mange de la viande, puis d'un coup elle mange un doigt, puis d'un coup, c'est affligeant, quoi. C'est pas qu'elle se transforme, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Pour moi, ce film, les scènes sont pas du tout crédibles. Dès qu'il y a une scène d'horreur, en fait, ça me donne plus envie de rire qu'envie de... Parce que ça instaure le malaise. Non, pas du tout. Enfin, je suis pas d'accord. J'ai jamais été mal à l'aise. Franchement, quand je suis sorti du film, je suis allé manger une pizza. J'étais pas dégoûté. Non, mais ouais, franchement, tout le monde me dit « Oh là là, c'est pas possible, c'est horrible, cette scène, elle mange un doigt. » Est-ce que c'était une pizza 4 phalanges? Avec des morceaux de knacky. En tout cas, c'est vrai que moi, je crois qu'après ce film, on ne regardera plus jamais La Cité de la Peur de la même façon. Pour le doigt de whisky. Putain, il y a eu un blanc, t'as tous regardé genre. Non, franchement, après, toute cette hémoglobine pour rien, tout. Enfin voilà, les scènes de. C'est pas nanar. Hein. Non, mais. Enfin voilà, je trouve que du coup, ça fait pas crédible. Il y a rien que je trouve pas du tout crédible. Les scènes de bizutage sont complètement disproportionnées. Enfin, franchement, je pense. C'est pour grossir le trait. Ouais, et puis, mais en plus, c'est d'autant plus crédible que, par exemple, l'être qu'elle aime, en fait, elle va pas le manger, en fait. C'est ça, c'est d'autant plus crédible que qu'il y a cette idée là aussi. Quoi. la tête de Jérôme. Ouais, c'est... Bug. Oh, c'est dommage qu'on ait pas les non, images non, avec. Bon, voilà, honnêtement, j'ai tellement pas aimé que j'arrive même pas à trouver d'argument pour vous dire que j'ai pas aimé. Voilà. Enfin, c'est comme moi avec La La Land, j'avais tellement aimé que je savais pas quoi dire pour dire que j'avais aimé. Ouais, voilà, mais c'est, voilà, c'est viscéral. L'exact opposé. C'est viscéral. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est. Y a rien. Mais non, mais, je comprends pas l'engouement pour ce film. Mais franchement, L'engouement, il est très peu distribué. Hein. Ça fait du buzz parce que je pense que ça fait du buzz. Moi, je suis allé le voir dans un cinéma un dimanche soir. La salle était complète. Ils ont refusé des gens. Ah c'est ouais. Vrai complète, ouais. C'est bien. Nous, on était 5. Ah ouais, ils cartonnent au box-office. Ouais, nous, on l'a vu un mercredi à 18h. Mercredi à 18h, et on était 5 dans la salle. Ah, ben moi, je l'ai vu pas cité à l'Utopia à Bordeaux. C'était complet. Mélanie, toi qui es entre les deux. Oui. Alors, moi, je vais pas dire que j'ai adoré, parce que c'est pas vrai. Je sais pas. Voilà, alors, je suis assez fan des films de genre horreur. Alors, les films gore, moi, me font rigoler. Faut y aller pour me donner la nausée devant le gore et l'hémoglobine. Donc, en fait, moi, j'y allais en me disant, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de gore que ça. Et au final, c'est plutôt bien parce que c'est pas juste, justement, un déchaînement d'hémoglobine gratuit à la Brain Dead ou j'en sais rien. Il y en a assez peu, finalement. Il y en a assez peu, mais le peu qu'il y a, c'est justement les moments. Les moments gênants et les moments cruciaux pour l'avancée de l'histoire. Enfin, justement. Donc, je trouve pas ça aussi dégueulasse que ce qu'on pourrait imaginer. Et justement, c'est plutôt bien. Même si, sur le coup, j'étais presque déçue. Puis j'étais là, bon, on voit rien. Oh, envie de faire un doigt. Bon, en gros, moi, je m'attendais à pire. Donc, finalement, je trouve ça plutôt bien. Après... voilà, je trouve pas ça ouf, parce que bon, je pense que c'est aussi un premier film et qu'il y a quand même des longueurs à des moments. Il y a des fragilités, voilà. Moi, je trouve ça chouette. Alors, tout le monde dit oui, c'est une femme qui a réalisé ce film, etc. Je trouve ça cool qu'une nana, en tout cas, fasse des films d'horreur aussi trash. Voilà, moi, je trouve ça chouette qu'on la voit pas faire un film de romance. Peu importe. Peu importe si ça soit une femme ou n'importe c'est qui. C'est surtout quelqu'un qui sort de la Fémis. Et pour ceux qui ont écouté les émissions précédentes, où on critiquait quand même un petit peu le conformisme des gens qui sortent de la Fémis, là, pour le coup... L'histoire, elle est pas conformiste. Difficile de parler de conformisme. Alors, qu'on aime ou qu'on aime pas, je sais pas, Jérôme, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas... Est-ce que quand même tu pourrais nous rejoindre sur le fait que on n'a jamais vu ça quoi. Même dans la réalisation. Ben, heureusement qu'on n'a pas trop vu ça. Mais je trouve que même dans la réalisation. Ça me fait penser au film. Alors je me rappelle plus le titre avec les frères jumeaux là qui avait été réalisé par une femme aussi. Je trouve que les femmes pour les films d'horreur elles sont quand même plus trash quoi. Ah oui. Oula, ah Mommy. Non c'est pas Mommy. Good Night Mommy. Un duo de réalisateurs et un film d'horreur autrichien qui est sorti. Là qui est vraiment dérangeant et qui est vraiment génial pour le coup. Oui. Ah bah il est mieux, oui, mais je trouve que là... Ah ben non, alors... Non, il y a vraiment... Alors là, pour le coup, je pense que vraiment Good Night Mommy... Enfin, je veux dire, dans Grave, à aucun moment, je ne serais-ce que sursauté, quoi. Enfin, j'ai jamais eu mais peur. Mais c'est pas fait pour faire peur. C'est pas fait pour ça, ouais. C'est pas fait pour ça. Un petit peu quand même. Faut quand même que ça te sorte de ton confort et tout. Ah bah oui, mais ça t'a pas sorti. Enfin, oui, alors sans. Pour le coup, pas du tout. Il n'y a pas de jumpscare, alors ça c'est sûr. Mais bon, c'est en même temps, il y a tellement eu de films avec des effets faciles juste pour te faire bondir dans ton siège. Bon, ça c'est. Alors pourquoi elle le fait à la première scène au tout début. La première scène au tout début, il y a un je sais plus comment t'appelles ça le terme, il y a un effet de pour faire peur. Un jumpscare. Ouais, voilà. Et. je me rappelle même pas. Dans la première scène, c'est quoi la première scène Quand il y a la jeune fille qui marche le long de la route et que. Après, Non. Ah, c'est la seule fois où j'ai sursauté. Ah ouais. Le reste du temps. Moi, mais c'est pas j'étais... un film qui est fait pour faire sursauter. Ah ouais. C'est juste pour te mettre mal à l'aise, justement. Quoi. Ouais. C'est un film gore, c'est pas un film d'horreur. Mais non, mais. C'est pathétique, j'ai pas trouvé ça. Non, franchement, il n'y a aucun moment où ce bon, film... De toute façon, c'est le Fight Ciné Club, donc nous ne on sommes pas d'accord. Ouais. Toi, Mathieu, tu peux donner ton avis, même si le canard a retenti, tant pis. On va essayer de conclure assez rapidement, quand même. Encore que bon, c'est le bon gros big fight de cette émission, grave. Donc, puisque là, vraiment, il y a un petit peu tous les avis, hein, donc c'est ça qui est bien. Moi, j'ai été agréablement surpris pour un premier film. Jeune réal, quel âge elle a 32 ans, quelque chose comme ça, qu'elle soit capable d'aller aussi loin dans l'anticonformisme. Alors après, effectivement, ça dérange. Hein. Ça dérange parce que à chaque scène du film, on se demande où ça va, on se demande si ça peut retomber sur ses pieds, et on va se rendre compte à la fin que peut-être pas tout à fait, à vrai dire. Il y a quand même cette fin que moi j'ai trouvé un petit peu ratée. Mais pas non plus. Non, moi c'est ça que j'ai trouvé rigolo. Tu lui as donné des trucs. Mais pour par contre, sur le dent maintenant. Quoi, c'est bon, c'est terminé. Par contre, ce que je trouve génial, c'est que voilà, de scène en scène, elle arrive à t'emmener à chaque fois ailleurs, quoi. Le cadre de cette école vétérinaire. Alors, ça m'a pas du tout donné envie de devenir véto, hein, soyons clairs. Et je pense pas que c'est exagéré, hein, parce que alors moi j'ai mon oncle qui a fait médecine et qui me racontait. Alors c'était il y a longtemps, hein, mais ça fait. Ouais, mais là c'est censé se passer. Ça se passe en Belgique, hein. Donc faut savoir que je suis pas sûre qu'au niveau du bizutage, les lois sur le bizutage. On voit l'accent belge d'ailleurs. Il y a un seul mec qui a l'accent belge. C'est peut-être un peu grossier, mais. C'est une école en Belgique, donc je sais pas au niveau des lois de bizutage, mais c'est un pseudo bizutage en même temps. C'est pas si trash ce qu'ils leur font. La vache, quand même. Bah oui, enfin en même temps, moi j'en ai vu des trucs comme ça. Vous faites un rein de lapin. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai vu une interview de la réalisatrice qui a dit que, en fait, grave, elle a choisi ce titre parce que grave, ça veut dire quelque chose d'important qui questionne notre humanité. Jérôme s'est complètement écroulé face à cet argument. Là, c'est il est consterné. And the winner is... Non, moi, ce que j'ai trouvé, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ça convoque quand même plusieurs imaginaires, c'est-à-dire l'imagerie du film de zombies, du film de vampires. On est un petit peu entre les deux. Ouais. Par rapport, parce que ça, dans les vampires, c'est clairement ça, hein, le désir de sang qui est souvent associé au désir de sexualité. Et là, sur ce personnage qui sort de l'adolescence, et il y a vraiment ce côté viscéral, corporel, attaché à la transformation du corps. Enfin, ça m'a vraiment intéressé. Et des thèmes qu'on va retrouver dans Cronenberg notamment, hein, tu prends La Mouche, qui est le film de métamorphose par excellence, et bien j'ai trouvé ça hyper intéressant sur un body horror dont axé sur la métamorphose du personnage principal, qu'elle arrive à te faire ce film là sans qu'à un seul moment tu te dises « Ah ouais, on dirait un tel » ou « Ah ouais, on dirait un tel », à aucun moment tu y penses forcément, et en même temps à aucun moment tu te dis « Elle a fait du Cronenberg par exemple » quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment, pour un premier film, un tour de force, parce que ça ressemble à aucun film que j'ai déjà vu. Et malgré tous ces défauts, parce que vraiment il y en a, il y a vraiment plein de défauts, il y a des longueurs, la fin pour moi perso, vraiment elle est ratée, mais il y a aussi des choses très très très prometteuses, et je pense que, enfin j'espère que elle va confirmer dès le deuxième film, parce que il va falloir la suivre, Julia Ducournau, parce que elle a vraiment un style qui est inimitable, je trouve, sur ce premier film, et je serais très curieux si elle s'éloigne de l'horreur pour le prochain, de voir ce que ça va donner. Et c'est cool quand même de voir un film d'horreur français qui fait un peu le buzz, parce que pour le coup, un film de genre, un peu, quoi. Ouais, voilà, c'est bon là, les comédies françaises, bon, je vais pas les citer, mais on sait tous de quoi je veux parler. Qu'est-ce mais on a fait du bon Dieu, tout ça. Et le truc là, bras ouverts, ça a l'air tellement de la tristesse. Enfin voilà, si on peut justement mettre un peu d'argent, enfin si on voit pas de films d'horreur comme ça, comme tu disais Jérôme, c'est que parce que justement personne met d'argent là-dedans pour donner les moyens aux gens de faire autre chose que toujours le même type de comédie, tu vois. Donc si à un moment donné il y a des films comme ce film-là qui peuvent faire un peu le buzz et donner envie à des producteurs d'investir un peu dans des choses différentes, ça fera qu'on verra des choses différentes au cinéma, quoi. Horreur ou pas, ouais, en tout cas, après, c'est vrai que... Bah, comme La Mouche, en fait. Ça fait plaisir de voir du monde dans les salles, pour ce film, qu'on l'aime ou pas, d'ailleurs. Et qui, malheureusement, est très peu distribué, en fait, par rapport à d'autres films français. Enfin, il cartonne au box-office français, il cartonne beaucoup à l'étranger, quand même. Ouais. Donc, Mais ouais, pour revenir sur ce que tu disais, tu vois, La Mouche de Cronenberg, c'est pas un film d'horreur à proprement parler. T'as pas de jumpscare, véritablement. Ah, non, mais c'est un film qui dérange un peu dans le même genre, quoi. Moi, je l'ai pas vu, alors. Et ce sera le mot de la fin, non ? Un mot que Jérôme... Non, rien à rajouter. Il est vaincu. Écoutez, merci bien. Ainsi s'achève le débat sur Grave. Alors, je ne sais pas si ça vous aura... Je pense qu'on peut dire, donné... c'est pas grave. C'est pas grave. Non, on peut pas finir là-dessus. Allez, on trouve autre chose. Bah non, stop. Voilà. Tant pis pour vous. Non. Viens donc, baby, tout ça, c'est pas grave. Et alors, on continue ce Fight Ciné Club numéro 2 avec des brèves. Il n'y en avait pas eu dans le spécial César et Oscar. Donc, trois films que vous avez vus, Arnaud et Mélanie, parce que vous êtes des gros consommateurs. Parce qu'on n'a pas de vie. Et donc, le premier, c'est Wedding Dolls. Oui, de alors Nitsan Gilaidi. Un petit film. Oui, c'est un petit film qui n'est pas encore sorti, qui va sortir le 19 avril 2017. Avril. Comme Victoria. Comme Victoria Avril. C'est un film qui est donc qui se passe en Israël sur une fille qui est handicapée mentale, qui travaille pour une usine qui menace de fermer. Et qui tombe amoureuse du patron. Donc en fait, l'histoire raconte un petit peu pour... Du patron. Pardon. Hein? D'accord. Merci de... Ah non, mais désolé. C'est mais une belle intervention. Donc l'histoire raconte donc, les difficultés pour cette fille qui est handicapée mentale, qui est un peu simplette, pour s'insérer dans la société et le regard que cette société a pour elle. Voilà. Alors c'est un film qui manque un peu de moyens, mais malgré tout... C'est un film qui a beaucoup de qualité, qui est très bien filmé, qui est vraiment très bien mis en scène. Il y a un montage très segmenté, mais qui se tient. Il y a un gros travail sur la photo. C'est très beau, sans tomber dans le larmoyant ou dans le pathos. Voilà, le pitch comme ça, il ne fait pas forcément envie, mais en fait, ce n'est pas un film pathos hein, voilà. Du tout. Enfin, c'est une fiction. C'est une fiction, oui. Ouais. Puisque le réalisateur est documentariste, apparemment. Donc, alors, je pense que c'est une fiction. Ouais. Oui, c'est vrai. Là, tu nous as mis le doute, mais... Vu la fin, c'est une fiction, forcément. Donc voilà, l'actrice elle est très très forte. Je sais pas si c'est un rôle de composition ou pas. J'avoue, j'ai pas cherché ça. Mais en tout cas, elle porte très très bien le rôle. Elle est touchante, attendrissante, et on ne tombe jamais dans la pitié. En fait, on n'a jamais pitié pour cette fille. Il y a quelque chose qu'elle renvoie qui est juste attachante et qui est positif. Voilà, on est avec elle dans la galère que c'est d'être dans sa peau, quoi, tout simplement. Donc, d'accord. Ouais. C'est vraiment un beau message qui est porté sobrement, oui. Et j'encourage vraiment les gens à le voir. Et puis. Vraiment, il y a de beaux plans en plus. Ouais, quoi, après, vraiment, voilà, c'est pas le film du siècle, mais le thème abordé est pas un thème facile et justement, ça tombe pas dans la facilité. Voilà, en gros, et franchement, c'est un petit film. Enfin, moi, quand Arnaud m'a proposé de voir ce truc-là, sur le coup, j'étais oh là là. Mais qu'est-ce que c'est israélien avec ce pitch, et j'étais ouf. Et finalement. C'est ça avec l'art essai, hein, c'est que voilà. Souvent, on se dit oh là là là. Des fois, c'est de l'art et des fois, c'est vraiment des essais. Du lard, non, ouais. Là, non, c'était pas mal. Voilà. Ok, alors, Wedding Doll, il faut aller le voir. Et ouais. Et donc, on poursuit avec Silence. Silence de Martin Scorsese. De Martin Scorsese. Donc, c'est deux prêtres jésuites qui vont au pays des sushis pour enseigner le catholicisme. Ça se passe au XVIIe siècle et ça sent mauvais pour eux. Il faut préciser, juste au moment où le catholicisme est déclaré religion interdite au Japon. Au Japon, tout à fait. Donc voilà, ils vont chercher leur mentor dont ils n'ont plus de nouvelles. Ils vont chercher leur mentor là-bas et aussi apporter la bonne nouvelle selon leur truc. Alors, c'est vrai que le synopsis comme ça, il fait pas rêver, ça donne pas tellement envie. Je suis très très mitigé sur et ce film. Et le film non plus finalement. Ouais, non, en fait, je suis très très mitigé parce que, alors, c'est Scorsese, donc il y a vraiment des plans qui sont d'une beauté, quoi. Il y a quand même, il y a des cadrages là qui sont incroyables. Il n'y a rien qui a été fait en studio, hein. Apparemment, décor naturel, ouais, ça se voit. Et vraiment, c'est rien que pour le cadrage de ces films, de ce film là, il faut le voir. Après, je trouve qu'il y a un problème de rythme, il y a un problème de... tu vas les voir manger, le plan il va prendre autant de temps que le moment qui est crucial dans le film, en fait. Donc, il y a une espèce de manque de rythme, en fait. Tout est linéaire et ça m'a un peu... ça le rend long un petit peu et tu n'en vois jamais le bout un petit peu de ce film. D'accord. Néanmoins, voilà. Un gros problème de rythme, un peu ennuyeux, donc un peu longué. Par contre, quand même, vraiment une photo et un cadrage, faut le voir pour ça. Tu m'avais parlé d'une performance d'acteur aussi. Oui, Andrew Garfield aussi. Ouais, voilà. Andrew Garfield et Adam Driver aussi, qui sont impressionnants là-dedans. Impressionnants de maigreur, parce que, je ne sais pas, ils doivent peser 10 kilos chacun. Ouais, je crois qu'ils ont perdu du poids, les deux. Un vrai travail pour de préparation, film, ouais. Contrairement à d'autres films, genre Seul sur Mars, où on prend un autre type qui ne ressemble pas du tout à Matt Damon, maigre, pour faire genre... genre oh, on aurait dit que c'était Matt Damon qui avait maigri. T'as pas déjà utilisé cet exemple? Je crois, c'est vraiment un exemple tellement marquant. Ok, très bien. Donc est-ce qu'il faut aller voir le silence tout court? Je sais pas. Alors on vous laisse décider, ouais, chers auditeurs. Et on va passer au film suivant. Si vous avez mieux, allez voir mieux. Si vous avez 2h42, vous pouvez l'envisager. Voilà. Alors le troisième film, ça sera moi un grand regret parce que je voulais le voir, Aki Kaurismäki, l'autre côté de l'espoir, qui traite un sujet apparemment très difficile mais à la Kaurismäki, ouais, donc de façon pas lourde du tout, et puis avec une esthétique a priori très rétro années 50 Hollywood carton pâte qui moi me faisait beaucoup envie, mais je l'ai pas vu. Alors dites-moi plus, faut-il aller voir Kaurismäki? Oui. Oui, ah, oui. Allez voir, oui. Voilà. Non, mais alors bon, je commence, mais je connais. Alors moi, je suis toujours. Moi, j'avais jamais rien vu d'Harry Kaurismäki avant. C'est toujours un peu la même chose que je dis à chaque fois. Je suis la carte non sachante. Voilà, exactement. Donc c'était la première fois que je voyais un film de ce réalisateur, et du coup, je suis sortie. Enfin, je savais pas ce que j'allais voir, et je suis sortie en me disant. Bordel, mais qu'est-ce que je viens de voir? Parce que c'est vrai qu'il a une façon de réaliser qui est quand même hyper originale et un peu loufoque. Il y a des moments presque absurdes. Et des fois, on ne sait pas si on doit rire ou on doit pleurer. Enfin, c'est vraiment... Et tout le long, c'est ça, en fait. Des fois, il se passe des choses, mais horribles. Mais en fait, c'est tellement drôle en même temps ce qu'il est en train de se passer autour de ce moment horrible que tu es toujours entre deux émotions. Et au final, tu tombes jamais ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que tu ne vas pas... te taper des barres de rire, mais en même temps tu vas pas pleurer même quand il se passe des choses qui pourtant te prennent quand même aux tripes sur ce qui est dit. Et est-ce que t'as pleuré? Non. Alors j'ai été performance. J'ai été émue à des moments, mais j'ai pas pleuré parce que justement c'est dosé au millimètre sur ce niveau là je pense. Ah bah si tu pleures pas, c'est que oui, c'est vraiment bien calculé. Parfait quoi, voilà. Et en fait, le thème quand même, pour dire ce que l'autre côté de l'espoir, ça parle de l'immigration clandestine. Hein, oui, c'est en plein, on n'a rien dit sur l'histoire. C'est en plein dans l'actualité. C'est un jeune Syrien. Un jeune Syrien qui débarque. Si tu veux, je peux le faire, le psoriasis. Alors, donc ça... Ça se passe au pays du Père Noël. On retrouve la Finlande, pour ceux qui, parce que faut deviner. Quand même. Trop de blagues, tu la blagues. Ouais, on retrouve Wickstom, la cinquantaine, qui décide de tout plaquer, sa femme alcoolique, son travail de représentant de commerce pour ouvrir un commerce. Son destin le fait croiser la route de Khaled, jeune réfugié syrien, qui n'arrive pas à avoir sa demande d'asile acceptée car son pays n'est pas assez en guerre pour ça. Ça, c'est quand même... Il arrive de Syrie. C'est la Syrie, oui. Ça, faut quand même le trouver. C'est vrai. Je pense que sur le régime finlandais, il doit y avoir des lois c'est exagéré. Je pense que c'est fait exprès pour ça, quoi. Mais en tout cas, c'est drôle parce que c'est vrai qu'on lui dit « Non, votre pays n'est pas assez en guerre. » Il n'est pas considéré comme assez en guerre. Enfin bon. Et donc, Winston prend Khaled sous son aile, l'embauche dans son restaurant. Après s'être tapé dessus, exactement. Et ouais, cette scène-là, elle est tellement drôle. Il y a plein de scènes qui sont drôles. Quand il plaque sa femme, en fait, il arrive et il jette la bague et il s'en va comme ça. Faut quand même dire que c'est long. Dans les 10 premières minutes, tu comprends tout. Il place toute l'histoire et toute l'intrigue. Il n'y a pas un putain de dialogue. Il n'y a pas une phrase de dite, mais tu as tout compris quand même. Et ça, c'est super intéressant. Il y a un côté d'Eric drôle et décalé, oui, en fait. Parce que il ressemble à Eric. Les personnages sont flegmatiques. Tu n'as aucune émotion, en fait, dans leur visage. Mais Isabelle Huppert serait très bonne dans un film d'Eric Kaurismäki. Elle a réussi à tacle à la gorge, à part derrière. Carton rouge. Alors, carton rouge, Bim direct. Mais ça n'a rien à voir. Et ces espèces de couleurs qui sont complètement plates et ternes, quoi. Mais en même temps, il y a tellement d'absurdité qui leur tombe dessus. À un moment donné, t'as le Khaled, là, il va falloir faire court, je vous rappelle, c'est les brèves. Ouais, je fais vite, il va chez les flics pour justement avoir son droit de visa. Et donc le flic, il tape le rapport, mais sur la plus vieille machine à écrire au monde, quoi. Vraiment le truc qui fait un bruit alourdissant. Assourdissant et de gros lourd. D'ailleurs, en parlant de gros lourd, on va pas en finir. Voilà, merci. Donc très bien. Bon, ben très bien. Alors finissez là. Voilà. Voilà, c'est bourré d'anachronismes. Il y a des anachronismes partout. Voilà. Je finirai pas mon anecdote, en fait. Bah, vas-y. Bon. Maintenant, c'est fini là. Maintenant, le côté drôle est fini. Et voilà. On t'a tout cassé. J'ai tout cassé. Donc voilà, il tape sur cette machine là, ça fait un bruit de pas possible, tu te dis mais c'est un film qui se passe dans les années 30 quoi. Et en fait à côté de ça, il a son petit ordinateur portable, micro et tout. Donc, tu te dis mais pourquoi tu tapes sur son gros bordel qui fait un bruit pas possible alors que tu as ton ordinateur à côté. C'est complètement loufoque, c'est complètement pour faire du cinéma peut-être. Ben écoute, ça marche en tout cas. Alors juste un mot sur Corys Maki, parce que Corys Maki, c'est un mec que j'ai vu deux fois en interview. Deux fois complètement bourrachos, le mec il était rond comme la Pologne. Et ce type là, une première fois il est en train de dire oh mais de toute façon moi mes films, tout ce que je fais c'est de la merde, mais vraiment le mec était bourré quoi, c'était vraiment très drôle. Et la deuxième fois c'était pour dire oh mais de toute façon moi j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour les films, donc si on m'en donne plus, j'en prends pas autant, si j'ai besoin de 60 millions je fais avec 60, je vais pas en demander 100 quoi. C'est un mec qui est complètement lunaire quoi. C'est un type qui, on se demande d'où il vient ce mec là. C'est un type à part. C'est un type à part, c'est un type formidable. Du cinéma. C'était une très belle anecdote ça. Ouais, j'étais en train de me dire ouais, tout le monde s'en fout non finalement. Ben un peu ouais. Je m'en rends compte ouais. Donc en tout cas, on va faire un peu comme Jim Jarmusch la dernière fois. S'il faut commencer par découvrir Corys Maki, on peut commencer par ce film là. Ah oui, voilà. Okay. Génial. Très bien. Et si vous n'avez pas vu de film finlandais également. Merci pour ces petites brèves. On a tout dit ? Oui. Bah, c'est déjà pas mal. Donc il faut aller le voir. Aki Corys Maki, l'autre côté de l'espoir. Et on passe à la suite. Gentlemen, welcome to Fight Cine Club. Free to Run de Pierre Morat avec la voix de Philippe Torreton. Il y a 40 ans, la course à pied était encore considérée comme un acte marginal, une pratique quasi déviante cantonnée aux athlètes masculins et à l'enceinte des stades. Free to Run retrace la fabuleuse épopée de ce sport solitaire devenu passion universelle. Le nouveau film de Pierre Morat est un hymne à la gloire de la course, libre, et de ceux qui la font exister. Un extrait live. Allez, go ! Allez ! C'est 3 km ! On t'attend à la buvette ! À la meilleure bande-annonce de la Terre, qui n'était pas une bande-annonce. Si, c'est drôle. Alors, on arrive à la séquence documentaire de cette émission Fight Ciné Club numéro 2. Un petit documentaire de derrière les fagots de Pierre Morat. Et qui parle de running, en gros. Et pas que. Ça parle aussi de comment cette discipline sportive, comment les femmes ont dû s'approprier et devenir légitime à pratiquer ce sport. Mais qui en parle en premier ? Bon là, je crois qu'il n'y a pas de fight hein, sur ce film. Non. Une unanimité. Une unanimité. C'est assez rare. Je crois que deux dernières émissions. Je pense que Jérôme, peut-être, t'as quelque chose à dire ? Non, je ne l'ai pas vu. Mais par contre, j'ai couru une fois. Voilà. Voilà. C'est un très bel avis. Ça s'est fait. Alors, on sent le professionnalisme là. Oui, on a eu un extrait très intéressant de la course de ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce documentaire ? Alors, il n'est pas récent, parce qu'il est sorti l'année dernière, mais en tout cas, ce qui est chouette. En novembre. Hein, oui, à l'occasion. Crois, ouais. On a eu l'occasion de le revoir à l'occasion de la journée de la femme, là, récemment. C'est pour ça qu'on a eu l'idée d'en parler pas là. Pas du tout, avril 2016. En fait, ça fait super longtemps. Oui, ça fait un an qu'il est sorti. Ouais. Je l'avais vu. Moi, je l'avais déjà vu l'année dernière, et donc il est repassé dans la région à l'occasion de la journée des droits des femmes le 8 mars, là, dernier. Et je l'ai revu avec plaisir, parce que c'est un film. Enfin, là, ce documentaire est hyper, hyper bien réalisé. Très bien documenté justement avec des images d'archives etc, et ça parle effectivement des premières femmes qui ont intégré des marathons de manière illégale parce que c'est vrai qu'il y a encore pas si longtemps quand même, je sais pas, dans les années 50-60 mais même un peu après 70 la médecine quand même disait que c'était dangereux pour les femmes de courir, qu'on allait mieux faire la vaisselle hein. Bah voilà quoi, qu'elles allaient devenir très masculines, que c'était pas fait, voilà, elles avaient il y a des séquences incroyables, la scène des premiers marathons de New York où elles se font sortir, il y en a une seule, une s'est fait accrocher par un commissaire de course. Parce qu'en fait, elle a un prénom bisexuel, si on peut dire. Son prénom pourrait porter à confusion. Donc, quand elle s'est inscrite, on n'a pas compris que c'était une femme. Donc, on l'a laissée s'inscrire. Et quand elle est arrivée au stand, elle était avec son sweat, la capuche, il faisait pas beau. Enfin, voilà, donc, on n'a pas fait gaffe que c'était une nana. Quoi. Mais quand elle a commencé à courir et qu'elle a eu chaud et qu'elle a enlevé sa capuche et que là, on a vu une belle chevelure voler au vent, il y a toute l'organisation qui a voulu l'empêcher de courir, quoi, tout simplement. Donc, et il y a des images d'archives de ça, c'est hyper intéressant. D'une violence incroyable en plus. Hein. Et, ouais, et là, c'est du réel. Quand, quoi, quand on voit ce que c'est, comment ça s'est démocratisé le running aujourd'hui. Ouais, il y a cette question-là aussi. En fait, il y a la question de la femme, mais c'est vrai qu'après, en fait, il est en plusieurs étapes. Donc, il y a l'étape, effectivement, où on voit les femmes qui commencent à rentrer dans le running et à faire des courses et tout, alors que c'était interdit avant. Et après aussi, il y a la question de qu'est-ce qu'est devenu le running. Est-ce que c'est pas devenu purement commercial? C'est exactement ça, c'est devenu commercial, c'est devenu tellement gros, les marathons de New York, de Paris, de Berlin, de Marmont-Pacha. Il y en a partout maintenant. Et alors que ceux qui voulaient absolument faire ceux qui veulent courir, qui ont plaisir de courir, en fait, et finalement, ils se retirent un peu de ça. Il y en a un qui était à l'initiative des premières courses. L'esprit du départ est plus présent maintenant. C'était un sport de rebelle d'aller courir, quoi. Alors que maintenant, t'es pas rebelle si tu cours. C'est devenu totalement hype et même presque trop, quoi, quelque part. Ouais, il y a plusieurs problématiques, effectivement, qui se suivent et ne se ressemblent pas d'ailleurs autour de la pratique de ce sport. Et ça s'enchaîne super bien dans la manière dont c'est raconté. C'est très bien monté, ouais. Ouais. Alors peut-être un peu trop, moi je trouve un poil trop à l'américaine avec on en fait des tonnes, la musique qui monte. Un petit peu, c'est vrai, oui. Un peu trop bonne annonce américaine. S'il faut mettre un bémol, effectivement, un petit peu par moment, mais par contre, il y a du rythme, quoi. Il y a du rythme, on découvre des choses, moi que j'avais jamais vu, comme la toute première arrivée du marathon féminin aux Jeux Olympiques de je ne sais plus où et de quelle année. Ah oui. Mais alors, la première était complètement au-dessus du lot. Et là, on se dit, quelle formidable publicité pour ce sport et notamment pour les femmes qui pratiquent ce sport. Et puis paf, l'instant d'après, la douche froide. La deuxième. C'est la deuxième. La deuxième qui arrive en souffrance. Et alors, tapez ça sur YouTube. Les images sont hyper impressionnantes. Premier marathon féminin. Vous allez forcément trouver la séquence qui est d'une... Elle est tellement au bout c'est de sa vie. Terrible, quoi. Et qui, tout de suite après, c'est des images qui, pendant des années, ont servi aux détracteurs de laisser les femmes pratiquer ce sport. Ont servi pendant des années, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est déjà pas mal. C'est déjà bien, non, mais vraiment des images très fortes. Si vous avez l'occasion, il faut voir ce documentaire, parce qu'il est vraiment, bien. Voilà. On donne pas envie, il a un peu d'enthousiasme quand même. Tu veux pas courir on un est peu Mais on s'est tous dit la même chose quand même en parlant hors antenne, c'est que quand on a vu ce film, on a juste qu'une envie, c'est chausser les baskets et y aller, quoi. Je déteste courir, mais quand je suis sorti, j'avais envie de mettre les baskets, quoi. Un truc de fou. Qu'est-ce que t'as dit, Jérôme? Si j'avais pas eu mon canapé aussi près, je serais allé courir, mais... Ça aussi, t'en as des baskets, c'est ça? Oui. Non, c'était les forbans, c'est pas grave. C'était chouette, c'est sympa. Non, tes baskets. C'est pas possible. Mais c'est scandaleux, ce référent. Quand tu sors, tu danses et tu mets tes baskets, c'est chouette, merci. C'est sympa, tu verras. Merci de m'aider. Voilà. Ça met plus de l'air déjà. Voilà, ça donne la banane. Ok, d'accord. Et bien tout de suite, un extrait de Forban. Rashomon d'Akira Kurosawa. Ça commence comme une blague. À Kyoto, au XIe siècle, un bûcheron, un bonze et un passant s'abritent de la pluie sous le portique d'un vieux temple en ruine. Rashomon, la porte des trois démons. Le bûcheron et le bonze sont prostrés, horrifiés par le procès auquel ils viennent d'assister. Ils en font le récit au troisième voyageur, celui d'un célèbre bandit accusé d'avoir violé une jeune femme et tué son mari, un samouraï. Mais chaque version rapportée, l'une après l'autre par chacun des témoins de l'affaire, semble nous éloigner inexorablement de la vérité. Un extrait. Arrêtez bien de dire ça. Et nous allons terminer ce Fight Ciné Club numéro 2 par le crash test, le désormais traditionnel crash test. Si vous vous souvenez, il y a 15 jours environ, Arnaud nous avait proposé de regarder Rashomon d'Akira Kurosawa. Oui, oui. Et bien alors, c'est ton crash test, alors tu vas le défendre, mon grand. Ah ben oui, c'est les origines du cinéma, c'est la base. Mais oui, c'est la base, c'est un film des années 50 où il y a tout dedans, mais il y a tout, c'est extraordinaire. Alors c'est peut-être un peu particulier parce que c'est influencé par le théâtre de No, donc les acteurs font des grands gestes, ils sont très expressifs et tout, donc c'est quand même bon, voilà, c'est un peu particulier, ça je le conçois, mais après quand même on peut pas dire quoi, c'est espèce de plan large avec une grosse composition, on s'ennuie jamais. Il y a quand ils attendent les trois au début, ils pleut à torrent, ça donne une impression de vie alors qu'il se passe rien, c'est extraordinaire. Une espèce de procès en fait, quand tu vois le cadrage qu'il y a au procès, c'est fou dans les années 50 de faire un truc comme ça avec les deux personnages qui sont témoins de cette scène en fait, qui sont juste en face là derrière assis en arrière-plan, en arrière-plan exactement, et qui nous regardent en fait, qui nous renvoient un petit peu ce qui se passe en fait, c'est juste formidable. La lumière, tout dans ce film est superbe. Le scénario est quand même hyper fourni. Vous pouvez pas dire que quand même un film comme ça, c'est quand même c'est chargé quoi, c'est lourd. Puisqu'on c'est chargé, oui. On a quand même quatre versions différentes et à la fin on sait même plus qui est quoi. Si on sait qui est l'assassin, mais c'est quand même on a des twists en fait. On a deux twists à la fin. C'est rare pour un film de cette époque-là, c'est quand même extraordinaire. Deux secondes, attends, je défends mon film. La musique, elle est forte, Je me rappelle même pas de la musique. Mais d'accord. Si, parce qu'elle intervient toujours au bon moment, quoi. C'est ça qui est fort. Non, vraiment. Bon, vraiment. Alors, c'est des plans larges, qui prennent leur temps, mais c'est des plans qui sont très fournis et toujours très intéressants à étudier, quoi. Vraiment, c'est la base du cinéma, c'est superbe. Donc, évidemment, pour Arnaud qui défend Rashomon, ça sera 5 étoiles, hein, on va pas vous spoiler. et donc Jérôme, peut-être alors. Bon, je me lance. Allez, c'est à moi. Alors Rashomon, je vais résumer le film en un mot. Vieillot. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est un film qui a 70 ans et on le voit bien, quoi. Clairement. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord, la musique est horrible. Le jeu d'acteur là, de Go, là, ou je ne sais pas quoi. Là. C'est exaspérant. La manière dont c'est filmé, c'est sympatoche, mais bon, au bout d'un moment, ça devient épuisant quoi. J'ai trouvé le film bien pendant les 10 premières minutes et après ça a été une longue souffrance quoi. Alors je je pense que c'était un film super novateur mais en 1950 quoi. Alors, franchement moi en fait je n'arrive pas à contextualiser oui, le cinéma. T'arrives pas à te mettre dans l'esprit de quelqu'un qui l'aurait vu à l'époque. Voilà et puis je m'en fous. J'ai envie de dire. Non mais voilà, je t'ennuyais quand même. Tu t'es pas ennuyé devant ce film? Non, si, je me suis ennuyé, Arnaud. Mais franchement, il y a du rythme quand même si, dans Arnaud, ce film. Quand je veux voir un film, je veux voir un film qui me donne des émotions de suite. Il faut pas que je me mette à la place du mec qui l'a vu en 1950 pour avoir des émotions. Non, pas besoin de ça. Mais clairement. Ouais. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai à dire de ce film? Franchement, voilà, c'est voilà, il a 70 ans et c'était certainement génial à l'époque, mais maintenant ça me fait chier d'avoir un film comme ça. Voilà, alors ça aurait été un film français de l'époque. Peut-être que déjà je n'aime pas trop le cinéma asiatique et japonais en particulier, et là, ça m'a pas réconcilié du tout avec ça. Voilà, clairement Kurosawa pour moi c'est ultra ultra ultra has-been quoi. T'aimes voilà. Pas les sushis en fait. Non, mais c'est du ciné-racisme. Ouais, non, clairement, ça n'a aucun rapport. Hein. Franchement, je pense que voilà, j'ai un très bon ami japonais d'ailleurs. Mais j'adore les japonais. Et il fait super bien les sushis. Non, voilà, non, ensemble. Mais bon, voilà. Pour moi, je vous dirai mon nombre d'étoiles tout à l'heure, mais c'est pas génial. On fera donc, à la fin le comptage des étoiles. Tu vas pas me dire que le scénario, quand même, il t'a pas mis sur le cul, quand même. Alors. Je souhaite arrêter de parler de ce film. Alors, Mélanie, toi qui es un mitigé cochon d'Inde. Cochon d'Inde, c'est quoi le rapport? Bah, mitigé cochon d'Inde. Non, tu connais pas cette expression? Non. Ah, ça doit être de chez ça moi. Ça doit être normand, ça. Ah, ouais. Je découvre une autant expression pour moi. De chez alors, moi. Alors, effectivement, je reconnais que le scénario est original. Ah. Voilà. Et ce film a une très grande qualité. Il ne dure qu'une heure 23. Et ça, mais vraiment. Non. Parce que tu m'as quand même obligé à regarder les 7 samouraïs qui durent à peu près 4 heures. Je sais plus combien de temps ils durent, mais où j'ai eu envie de me faire harakiri devant. Non, mais j'ai vraiment. Alors, je suis un peu comme Jérôme là-dessus. Je suis complètement pas sensible à l'art japonais. Les films japonais me font profondément chier. Cinéraciste. Pardon. Je suis. Et pourtant, j'ai une très bonne amie japonaise. Mais pourtant. Alors, j'ai vu d'autres films japonais depuis qui m'ont fait un peu revenir là-dessus, comme Les Délices de Tokyo, qui sont des films plus récents. Naomi Kawase. Voilà, où ça joue moins dans le côté surjoué de ces vieux films est quand même assez pénible, c'est vrai. Après, j'ai quand même. Je veux dire que j'ai une certaine tendresse pour le film parce que je sais que qu'il a dans l'histoire du cinéma, c'est un film qui a eu une importance, que Kurosawa c'est pas n'importe qui dans l'histoire du cinéma également. Après franchement le film, je l'ai vu une fois, je me dis que je vais me coucher moins bête, mais je peux pas dire que j'ai détesté, mais je me suis pas éclatée devant quoi. Ah là, et le scénario est quand même sympa. Enfin moi je trouve que l'histoire elle est sympa, cette espèce de avec 4 avis différents, que on sait plus finalement trop si c'est du lard ou du cochon justement. Mais qui est-ce qui est le gentil et le méchant là-dedans, de qui est-ce qui exagère. Tu finis par te prendre au jeu un peu du. Mais alors est-ce qu'il ment, est-ce qu'il ment pas. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé sympa. C'est ça qui est sympa. T'as l'impression de te rapprocher de la vérité, mais plus ça va, plus tu sais pas si tu t'en approches, tu t'en éloigne au fur et à mesure. Voilà, c'est vrai que c'est sympa. Découvre les différentes versions. Et effectivement, si on est obligé d'imaginer qu'on est quelqu'un qui vit dans les années 50 pour savoir si on aime ou si on n'aime pas, ça veut dire que le film, il a mal vieilli en quelque sorte. Le problème, on parlait de contextualisation et je prends le relais si tu veux bien, mais effectivement, moi, c'est ça, c'est que. Le problème, c'est que un film comme ça, il arrive avec son background, quoi. C'est-à-dire que Akira Kurosawa, on l'a mis sur un piédestal comme un monument, et donc du coup, entre guillemets, on peut pas y toucher, quoi. Donc du coup, on en attend forcément quelque chose d'extraordinaire, sauf que on se prend les 70 ans dans la vue, effectivement. Ça, c'est un fait. Et... Je peux pas vous laisser dire ça. tu vas pouvoir. Le défendre à nouveau. Non, alors moi, il y a des trucs que j'ai trouvé super, effectivement, dans la construction du scénario, effectivement, où petit à petit, au début, ça m'a gonflé, et puis au début, puis après, juste après, paf, t'as une autre version de ce fait divers, là, sur ce bandit qui aurait violé la femme, tué le samouraï, et puis tu découvres que peut-être c'était pas ça, et puis à nouveau une troisième version, mais c'est peut-être encore pas ça. Et j'ai bien aimé le côté film de procès, quelque part. C'est peut-être un des tout premiers. En tout cas, j'imagine que côté japonais, ça doit être un tout premier film de procès de l'histoire, quoi. Et puis surtout où la femme est tellement mise en valeur aussi. C'est quand même c'est la femme qui est la crise de l'histoire là-dedans. Donc c'est un film de cette époque-là, c'est quand même. C'est vrai qu'il y a ça. C'est une héroïne et quelque part sur un film de cette époque-là, c'est pas forcément évident au Japon notamment. Le problème c'est que tu te dis ça va être un chef-d'œuvre. Il y a plein de choses qui font que c'est bien, et puis effectivement tu parlais des salopards tout à l'heure que moi j'ai adoré de Kurosawa, les 7 samouraïs oui. Mais du les coup salopards, entre les 12 salopards, les 7 samouraïs je finis par tout, je me mélange, tout ça pour dire que il n'y a pas le côté caricatural justement qui moi m'insupporte au possible du théâtre de no ou du kabuki, et ça c'est vraiment grandiose. Un petit peu quand même avec. Le coup, autant il y a du cinéma japonais que j'apprécie, mais autant le cinéma japonais qui convoque ces pratiques théâtrales-là, j'ai vachement de mal, quoi. C'est hyper. c'est dur quoi à adhérer. Et puis autant j'ai trouvé hyper intéressant les séquences de procès, le fait qu'il y ait des séquences de procès dans ce film, autant le fait qu'ils soient obligés de faire les dialogues tout seuls. Ah, vous avez dit ça, monsieur le juge. Ah oui, j'ai bien dit. Pourquoi il parle pas, le juge, quoi? Enfin, c'est un peu. Oui, c'était bizarre, mais ouais, j'ai trouvé ça intéressant du coup. Ouais. J'ai dit, c'est pas emmerdé à faire le dialogue. J'ai pris ça pour un parti pris intéressant. Exactement. Alors, du coup, c'est mal joué. Voilà. Ouais. Bon. Okay. Non, c'est pas mal joué, c'est juste la manière dont c'est fait, c'est tout, c'est le théâtre de No, donc faut que ça soit expressif. Mais dans les 7 samouraïs aussi, hein, Toshirô Mifune, là, il est très très expressif, il est très... À tes souhaits. C'est, ça se joue, c'est la manière de faire de cette époque-là, alors c'est vrai qu'il faut rentrer un peu dans le truc, mais néanmoins quand même, puis bon, il y a quand même un cadrage, comment c'est fou, quoi. C'est non, ce film est vraiment Au niveau cadrage et travelling notamment, c'est vrai qu'il y a des séquences dans la forêt avec des caméras qui sont très hautes au-dessus et en travelling latéral comme ça qui entre les arbres et qui suivent les personnages. Je pense que pour l'époque, il y a des choses qui sont balèzes. On est en 2017 et voilà. Après le film, moi on me demande de regarder un film maintenant, on me demande pas de me contextualiser. De voir un film. Ah ben dans ce cas, tu regardes que les nouveautés, quoi. Tu regardes pas un film qui a 10 ans, t'arrêtes. Je dis pas ça, mais il y a des films des années 70, des années 80 que j'adore parce que on me demande pas de contextualiser. Même sans contextualiser, quand même. Enfin, pour l'instant, hein, parce que quand ça fera 70 ans, je pense nous, les premiers films qu'on a vus, genre en 3D ou quand c'est passé au tout numérique, je pense qu'il y a des choses. Mais même, déjà, t'as qu'à regarder, genre les 3 Hobbits, qui sont plus moches et qui vieillissent plus mal que Les Seigneurs des Anneaux, par exemple. Ouais. Parce que c'est du tout numérique, mais le début du tout numérique, et ils ont même pas 5 ans, qu'ils sont déjà tout pourris. Et je pense que quand on les verra dans 70 ans, ou je sais pas, mais. On sera tous morts d'ici là. Voilà, je crois. Il y aura eu l'apocalypse. Voilà. Alors, avant de passer au comptage des étoiles, puisque le canard a retenti a depuis longtemps, depuis un moment, un dernier mot pour Arnaud, quand même, pour défendre son crash test. Un mot. Un mot. Une perle. Ok. Alors, on va passer au comptage des étoiles en commençant par Jérôme. Sur une échelle de 0 à 5, combien d'étoiles pour ce crash test? J'ai longtemps hésité. Non, je mets une étoile et demie. Ah, oh putain, tu mets mieux. Plus que pour... Oh oui. Oh non. Oh, je suis dégoûtée. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, il y a 15 jours, à peu près, il nous avait mis 0,5. Pour mon crash test. Sur le crash test de Mélanie. Très bien. Before Sunrise. Très bien, je saurais m'en souvenir. 1,5. Arnaud, bon, on te 7. Demande... 7. En toute bonne foi, mais c'est vrai. Bon. Ok. Non, mais je peux pas mettre 7, parce que c'est pour le comptage de points. Je mets 7. Mais non, c'est 5. Ah bah, je suis premier degré, moi. Puisque du coup, je calcule, j'anticipe. Je calcule contrairement... la moyenne en même temps, puisque la dernière fois, on a voulu faire la moyenne de tête et on n'a pas su. On n'y est pas arrivé. Au bout de Mélanie, heures. Du coup. Moi, je vais faire celle qui ne se mouille pas, 2,5. La moyenne, ok. Voilà. Allez hop. Et moi je vais mettre un 3,5. Allez quand même. Et oui, t'as défoncé le film, tu lui mets 3,5. Mais non, mais non. Il n'y a que moi qui suis vraiment intègre. Non, ça nous fait une moyenne. C'est le mauvais goût et tout. Ça nous fera donc une moyenne de 3,125. Contre 2,8 pour le film de la dernière fois, pour Before Sunrise. Donc le crash test est plutôt réussi. Le crash test passe. Ah. L'airbag s'est déclenché. Voilà. Un peu déçu de pas avoir 5, mais quand même, c'est pas mal. Et sur ce, on va annoncer le crash test de la fois prochaine. Et comme il s'est tapé de purge, l'ami Jérôme, on va lui laisser choisir le prochain crash test. Crash test. Je n'y arrive jamais sur ce mot. C'est pas possible. Alors, pour mon crash test, je vais vous soumettre un film qui n'est pas du tout RSC. C'est très bien. Et ça sera Demolition Man avec Sylvester Stallone, Wesley Snipes et Sandra Bullock. Et pour une cryogénisation qui nous amènera dans un futur qui maintenant ne doit plus être si futur que ça. Ça doit être dans notre passé déjà. Ouais, presque. Donc voilà, un film qui a marqué mon enfance et que j'ai regardé à de multiples reprises et qui m'a toujours fait, ouais, voilà, que j'adore vraiment et que tu défends. Voilà, qui m'a toujours fait rire, qui m'a, voilà, et qui va au-delà d'un film d'action traditionnel. Il faut conceptualiser là, par contre. Oh là là. Contextualiser. Quoi. Je veux préciser quand même que vous n'avez rien bu depuis le début de l'émission. Mais que c'est de pire en pire quand même. Ouais. On utilise des mots beaucoup trop compliqués. Il va falloir qu'on réfléchisse à ça pour la prochaine émission. Des mots simples, des phrases courtes. Pas plus de 3 syllabes. Exactement. Voilà les amis, le crash test c'est fini pour aujourd'hui. Oublier mon gilet pare-balles. Je suis le bonhomme du crash test. Manger les murs, compter les étoiles, prendre des vestes. Gentlemen, welcome to Fight Cine Club. Alors, Fight Cine Club numéro 2, c'est fini pour aujourd'hui. Oh. Avec encore une fois l'équipe au complet, donc on va se refaire un petit tour de table. Comment ça s'est passé ce petit fight numéro 2? Bon. Ah bah pas tous à la fois. Je crois qu'on était plus pas d'accord aujourd'hui que la fois d'avant. Qu'il y a 15 jours, tu crois? Ouais, d'accord. J'ai l'impression. Okay. Ouais, c'est possible. Il y a eu plus de mauvaise foi. Plus de mauvaise foi. Alors Jérôme, cette deuxième. Eh ben, j'ai globalement pas aimé tous les films, encore une fois. Non, mais là, aujourd'hui, c'est quand même assez horrible pour moi. Mon image est complètement dégradée, puisque... le Aymeric Caron du cinéma. Mais bon, voilà. C'est vrai que tu devais prendre le rôle du gros con. Donc c'est réussi. Même moi, je me suis trouvé un gros con. Alors, Arnaud, qui partage le micro avec toi, toi, t'es là depuis le début. Bah oui, comment t'es habitué maintenant? Bah oui, tout à fait. Je trouvais aussi que Jérôme était un gros con. Bah écoute, ça s'est très bien passé. Voilà. Un peu déçu de ne pas avoir convaincu tout le monde sur Rashomon quand même, qui est quand même une perle. Voilà. Mais néanmoins, voilà, toujours content de parler cinéma, quoi qu'il en soit. Super, notre speakerine. Toujours un plaisir, je découvre, il y a du fight, c'est intéressant, ça débat. Et Mélanie, pour terminer. Vivement la prochaine. Voilà. Donc on se retrouve dans à peu près une quinzaine de jours du coup pour le Fight Ciné Club numéro 3. Peut-être qu'on gagnera un auditeur par émission. Ou pas. Et je tiens à remercier ma grand-mère, du coup ma mamie Colette qui... Qui nous écoute, qui est la seule. Ah, d'accord, ok. Ah oui, non, mais j'étais en train de chercher le pourquoi de ma mamie écoute des podcasts. Ma mamie écoute des podcasts et je tiens à lui rendre hommage. Quel âge elle a, mamie Bientôt, Colette Je ne voudrais pas la vexer, mais elle n'est pas loin des 80 quand même. Ah non, mais c'est formidable. Voilà. Mais c'est la seule qui nous écoute toutes les émissions. Donc spécial casse dédié à mamie Colette. Et sur ce, on va partir enfiler nos baskets. Et courir dehors, c'est parti. La bande annonce de Free to Run.